Il est merveilleux, notre Dieu, non? Oh, gloire. C'est pour ça ce soir, vraiment, c'est un moment de fête, mais en même temps, un moment aussi, on veut toucher le trône de Dieu ce soir et faire descendre sa gloire dans ce lieu. Alléluia. Pour la me salvo. Shaka. Jesus Christ, you are holy. Oh, I'm a shit, baby.